Bon et grand peuple, aujourd'hui que la fatigue de ta noble victoire commence à se dissiper, résume un peu ton histoire depuis 8 jours. Essuie ton sang, ta sueur et tes larmes. Agenouille-toi devant Dieu. Et, à cette heure sainte et solennelle où tu vas reprendre la chaîne sacrée du travail, médite un instant sur tes destinées. Descends dans ta conscience, interroge ton cœur, qui ne fait qu'un avec tes pensées. Recueille-toi, bénis la Providence, et, avec l'aide divine, connais-toi toi-même. Un abîme où ton sang a coulé sépare ton existence d'hier de celle d'aujourd'hui. Hier, tu semblais écrasé, anéanti par la souffrance. La patrie était en danger plus qu'elle ne le fut jamais à l'aurore de notre République, car la honte pesait sur nous. Et la honte est mortelle à cette nation qui s'appelle la France. Hier, tout semblait perdu, et ce même qui voyait de près la puissance du mal la croyait établie pour longtemps encore. Bien peu triomphaient dans leur démence, beaucoup s'alarmaient vaguement du lendemain. Aucun ne se sentait la force de te résister. La plupart de ceux même qui possédaient cette puissance impie étaient plus près d'applaudir à sa défaite que d'aider à son triomphe. Car, Dieu en soit loué, brave peuple, tes vrais ennemis ne sont pas nombreux. Partout l'impie est un être d'exception, et celui-là seul qui ne connaît pas Dieu, mais connaît son semblable. Tu as été grand, tu es héroïque de ta nature. Ton audace dans le combat, ton sublime mépris du danger, n'étonne personne. Personne au monde n'eût osé nier hier les prodiges que tes vieillards, tes femmes et tes enfants savent accomplir. Mais, hier encore, toutes les aristocraties du monde avaient peur de toi, et, doutant de ta clémence, pensaient qu'il fallait arrêter ton élan. Ceci par les armes de la violence, cela par les armes de la ruse. Tu avais prouvé cependant déjà que tu savais vaincre et pardonner. Mais on avait accumulé tant de maux sur ta tête, depuis 18 ans surtout. On avait laissé commettre tant de forfaits contre toi, qu'on regardait la vengeance, sinon comme légitime, la vengeance ne peut jamais l'être, mais comme inévitable. Tu as prouvé une fois de plus au monde, et d'une manière plus éclatante qu'en aucun des jours consacrés par l'histoire, que tu étais la race magnanime par excellence, doux comme la force. Ô peuple, que tu es fort, puisque tu es si bon. Tu es le meilleur des amis, et ceux qui ont le bonheur de te préférer à toute affection privée, de mettre en toi leur confiance, de te sacrifier, quand il l'a fallu, leur plus intime affection, leurs plus chers intérêts, exposer leur amour propre à d'amères railleries, ceux qui ont prié pour toi et souffert avec toi, ceux-là sont bien récompensés. Aujourd'hui qu'ils peuvent être fiers de toi et voir ta vertu proclamée enfin à la face du ciel. Venez tous, morts illustres, maîtres et martyrs vénérés. Venez voir ce qui se passe maintenant sur la terre. Viens le premier au Christ, roi des victimes, et à ta suite, le lent et sanglant cortège de ceux qui ont vécu du souffle de ton esprit et qui ont péri dans les supplices pour avoir aimé ton peuple.